la loi du talion, Code d'Amourabi. Œil pour œil, dent pour dent, Ivo Kota le seul. Le même, toujours égal à lui-même. Kosalanga bo ete ko, ah. Kisi vula na motema, yanga baravena nya kokunda chérie. Yo konjela ya yo motema suka wapi. Natindi maloba na mer bribo po abondela. Yo zongi si ya no natika to motema dejele. Na minute na nya kosala intérim. César nga di na journée au remplacer nga nanie. Son Excellence Monsieur Balou, Madame Marie-Louise La Jolie Bangamoto, Luc Nsongo, Confort Immobilier. Yo no kisi vula wana mote mara Santa. Yanga mote ma baravene tia delvoye. Et Florian Myokono. Yo kani vraiment ya yo mote ma pona nini. Natindi maloba jino kota abondela. Yo zongi siye ya no nakunda baravene lutu. Coco Benga Momo Nania Kosala intérim. Lelo Saint-Valentin au remplacé Nanani Okota. Bob Makalangi Petroni Maman Plus Félix Dadi Telo Zemanga Pascal Diomi Noble CDI Kozwakanga na PTT chéri Zwakanga na lourdeur Adi londole Melobi mabe E komili ikamwa sa momonga Nga kota katie Visiter Ivo Kota E komili ikamwa sa moro Patrick Kamanga Visiter Ivo Kota Malobi nanga na sanda bolingo Ivo Kota yo liye sanga Na tiemi sapina mono kopona sanza yo Sibile imi bimi bolingo tikali na motema Nonsye mate kiti Fule lukiso mkwanzo Samo nikamba mwele kimutu ya Uya mayola Ma spagenta pape Eje mando Asi motema e kutuwa Nakole mate Francis Azimba Jean-Jacques Bayon 5 sur 5 Or noir Blaise Lula qui casson Ezala ka elengi boye Ambiance ya mambo Ezala courant. Tout à l'heure, tout à l'heure. Bah maman, jour y'a Saint-Valentin, journée mon bimba de vanina chérie, pepele ya moun de bouche. Et comment la pourquoi comme yo, abima, yende ki. Un temps téléphone et l'éli, aïe ma selle. Mon inga yo vani, fa de la TVko, awa père, papi kokoti. Taman kwen yo vraiment mina limité, na l'éli. Na leli, ti na leli en long, oh mampe, oh mama, ma fouille, my god, ma onza ba. Baby zang a lettre de motivation, na moni na bima. Ba mama, so ki na bima, ba pe sa réponse. Vox populi, vox day. Na tike liye TV a kopile, na forma moutou, na mbetu. Tang opera zongi a kri en long, e mero ke me barbe. Ah, papi koko lesto, me ba liyo na 3 points, oh yo ke lock. He he he he, bongo bongi sa na tongo. Veo kota salaminanga mila feta salaminanga Willy Blanchard salaminanga Willy Blanchard chiclenanga papi tamba le gagnant du feu posé la moto l'inisa kamingye pera kanisa va changer serrure boambo ma palangana kozange limisa kamoto yumae kozoui komisa kamoto fier Saint Valentin za la kajour ya boulingo deux à deux Victor Ilo pere na mere darona daron mec na meuf ivo kota na mina alfa na maria Greco na Marianne Fanny na Dadoe Alingande ko balambe doe Sia Diopola La vie nanga Basi baleli sanga ebele Cité des belles Imi fwa kalama kambwa kole les ali sousoute Si tu te rapproches rien topi makata ensemble Mubia la maimbi Papa yako isabona yo ka elengye ayo kakaye Mon peuple libande lengye Si pi ou mande Elengye sa la kanzo kavu Salaminanga Lili Lumande Salaminanga Yaonde Michel Lorenze Salaminanga Christian Pejoe Salaminanga Janovete Salaminanga Eric Moulalou Salaminanga Charlie Pembele Salaminanga Raymond Danguier Salaminanga Justin Kizozoe Salaminanga Kadi Kadi Mae Salaminanga Daddy Bayola Salaminanga Willy Blanchard Salaminanga Tony Pembe Salaminanga Papi Bokae Salaminanga Willy Moucheni Salaminanga Njuke Lomboto Salaminanga Papi Tifwa Kanabi Te Badana Kimi Atamuke.